Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY-NC SA 2.0 FR. Lettre sur les écrits et le caractère de Jean-Jacques Rousseau par Germaine de Staël. Œuvre complète de Madame la Baronne de Staël, publiée par son fils. Tome 1er, à Paris, 1820. Domaine public. Préface à la première édition en 1788. Il n'existe pas encore d'éloge de Rousseau, j'ai senti le besoin de voir mon admiration exprimée. J'aurais souhaité sans doute qu'un autre eût peint ce que j'éprouve. Mais j'ai goûté quelque plaisir en me retraçant à moi-même le souvenir et l'impression de mon enthousiasme. J'ai pensé que si les hommes de génie ne pouvaient être jugés que par un petit nombre d'esprits supérieurs, ils devaient accepter du moins tous les tributs de reconnaissance. Les ouvrages, dont le bonheur du genre humain est le but, placent leurs auteurs au rang de ceux que leurs actions immortalisent. Et quand on n'a pas vécu de leur temps, on peut être impatient de s'acquitter envers leur ombre et de déposer sur leur tombe l'hommage que le sentiment de sa faiblesse même ne doit pas empêcher d'offrir. Peut-être ceux dont l'indulgence daignera présager quelque talent en moi me reprocheront-ils de m'être hâté de traiter un sujet au-dessus même des forces que je pouvais espérer un jour. Mais qui sait si le temps ne nous ôte pas plus qu'il ne nous donne? Qui peut oser prévoir les progrès de son esprit? Comment consentir à s'attendre et à renvoyer à l'époque d'un avenir incertain l'expression d'un sentiment qui nous presse? Le temps, sans doute, détrompe des illusions, mais il porte quelquefois atteinte à la vérité même, et sa main destructrice ne s'arrête pas toujours à l'erreur. D'ailleurs, n'est-ce pas dans la jeunesse qu'on doit à Rousseau le plus de reconnaissance? Celui qui a su faire de la passion une vertu, et qui a voulu persuader par l'enthousiasme, s'est servi des qualités et des défauts mêmes de cet âge, pour se rendre le maître. Seconde préface en 1814. Ces lettres, sur les écrits et le caractère de Jean-Jacques Rousseau, ont été composées dans la première année de mon entrée dans le monde. Elles furent publiées sans mon aveu, et ce hasard m'entraîna dans la carrière littéraire. Je ne dirai point que j'y ai du regret, car la culture des lettres m'a valu plus de jouissance que de chagrin. Il faut avoir une grande véhémence d'amour-propre pour que les critiques fassent plus de peine que les éloges ne donnent de plaisir. Et d'ailleurs, il y a dans le développement et le perfectionnement de son esprit une activité continuelle, un espoir toujours renaissant que ne saurait offrir le cours ordinaire de la vie. Tout marche vers le déclin dans la destinée des femmes, excepté la pensée, dont la nature immortelle est de s'élever toujours. On n'a presque jamais nié que les goûts et les études littéraires ne fussent un grand avantage pour les hommes. Mais on n'est pas d'accord sur l'influence que ces mêmes études peuvent avoir sur la destinée des femmes. S'il s'agissait de leur imposer un esclavage domestique, il faudrait craindre d'accroître leur intelligence, de peur qu'elles ne fussent tentées de se révolter contre un tel sort. Mais la société chrétienne n'exigeant rien que de juste dans les relations de famille, plus la raison est éclairée, plus elle porte à se soumettre aux lois de la morale. On aperçoit clairement, en réfléchissant sur ces lois, qu'elle gouverne le monde tôt ou tard avec non moins d'infaillibilité que les forces physiques. Les sentiments, il est vrai, peuvent entraîner malgré les lumières, mais ce n'est pas à cause d'elles. Il arrive souvent que les femmes d'un esprit supérieur sont en même temps des personnes d'un caractère très passionné. Toutefois, la culture des lettres diminue les dangers de ce caractère, au lieu de les augmenter. Les jouissances de l'esprit sont faites pour calmer les orages du cœur. La société, telle qu'elle est organisée de nos jours, nous menace bien plus des défauts négatifs, la froideur et l'égoïsme, que de l'exaltation en quelque genre que ce puisse être. Les hommes et les femmes du peuple peuvent avoir de très belles et de très grandes qualités, sans que leur esprit ait été cultivé. Mais dans la classe élégante et oisive, les habitudes qu'on prend dessèchent le cœur, si l'on n'y supplée point par des études vivifiantes. L'usage du monde, quand il n'est pas réuni à une instruction littéraire très étendue, n'enseigne qu'à répéter facilement des choses communes, à mettre ses opinions en formule et son caractère en révérence. Si vous n'avez pas dans une éducation distinguée une compensation à tous ces sacrifices, si vous ne trouvez pas le naturel dans l'élévation de l'âme et la candeur dans la connaissance de la vérité, si vous ne respirez pas enfin l'air dans une région plus vaste, vous n'êtes qu'une poupée bien apprise, qui chante toujours sur le même ton, lors même qu'elle change de parole. Et quand il serait vrai, ce qui ne l'est pas, qu'une femme ainsi disciplinée se soumit plus facilement à l'autorité conjugale, que devient la communication des âmes si les esprits n'ont pas une sorte d'analogie? Et que devrait-on penser d'un époux assez orgueilleusement modeste pour aimer mieux rencontrer dans sa femme une obéissance aveugle qu'une sympathie éclairée? Les plus touchants exemples d'amour conjugal ont été donnés par des femmes dignes de comprendre leur mari et de partager leur sort. Et le mariage n'est dans toute sa beauté que lorsqu'il peut être fondé sur une admiration réciproque. Néanmoins, beaucoup d'hommes préfèrent les femmes uniquement consacrées aux soins de leur ménage. Et pour plus de sûreté, à cet égard, ils ne seraient pas fâchés qu'elles fussent incapables de comprendre autre chose. Cela dépend des goûts. D'ailleurs, comme le nombre des personnes distinguées est très petit, ceux qui n'en veulent pas auront toujours assez d'autres choix à faire. Nous n'excluons point, dira-t-on, la culture d'esprit dans les femmes. Mais nous voulons que cet esprit ne leur inspire pas le désir d'être auteurs, de se distraire ainsi de leurs devoirs naturels, et d'entrer en rivalité avec les hommes, tandis qu'elles sont faites seulement pour les encourager et les consoler. Je me sentirais, je l'avoue, une considération plus respectueuse encore pour une femme d'un génie élevé qui n'aurait point ambitionné les succès de l'amour-propre que pour celle qui les rechercherait avec ardeur. Mais il ne faut dédaigner que ce qu'on pourrait obtenir. Un homme à Paris se baissait toujours en passant sous la porte Saint-Denis, bien qu'elle fût haute de 100 pieds. Il en est de même des femmes qui se vantent de craindre la célébrité sans avoir jamais eu les talents nécessaires pour l'acquérir. Ces talents ont sans doute leurs inconvénients, comme toutes les plus belles choses du monde. Mais ces inconvénients même me semblent préférables aux langueurs d'un esprit borné, qui tantôt dénigre ce qu'il ne peut atteindre, ou bien affecte ce qu'il ne saurait sentir. Enfin, en ne considérant que nos rapports avec nous-mêmes, une plus grande intensité de vie est toujours une augmentation de bonheur. La douleur, il est vrai, entre plus avant dans les âmes d'une certaine énergie. Mais, à tout prendre, il n'est personne qui ne doive remercier Dieu de lui avoir donné une faculté de plus.